minutes pile 14h. We move. We run. Into the galaxies of space. We come in search of the dream. Donc, bonjour tous et à vous toutes. Donc voici Barry White et on se dit bonjour à tous et à vous toutes. Voilà pour l'émission Musidance comme tous les mardis entre 14h jusqu'à 17h avec des chansons variétés. J'espère que vous avez passé une bonne matinée avec l'émission de Laurent Joe, avec son émission entre 9h jusqu'à midi. Et bien sûr, vous allez nous retrouver la semaine prochaine. Voilà, donc on va débuter l'émission avec tout simplement juste après Barry White, et bien tout simplement Franzial, et puis il y aura tout simplement Joe Dassin, Michel Sardou, et puis d'autres chansons différentes. Et bien bon après-midi à vous tous et à vous toutes. Le monde est sans souci, dit un financier averti, entre un cognac et un whisky, et son portefeuille le grossit, la chance me sourit. Je dis une fille plutôt jolie, qui comme tous les soirs se choisit un endroit où passer la nuit. La nuit à Paris, on s'amuse et on rit sur les airs d'aujourd'hui. La nuit à Paris, on boit et on oublie le monde d'aujourd'hui. Moi je vous parie, dit un écrivain réussi, que si l'on veut mettre le prix, tout avoir dans la vie. Je suis sûr que oui, dit un faiseur de mélodie, qui tue ce qu'il avait en lui pour des airs qui l'ont enrichi. La nuit à Paris, on s'amuse et on rit sur des airs d'aujourd'hui. La nuit à Paris, on boit et on oublie le monde d'aujourd'hui. Allons-nous-en d'ici, mélancolie. Oui, j'ai raté ma vie, se dit un journaliste aigri, renvoyé pour avoir écrit ce qu'il devait garder pour lui. La nuit à Paris, on s'amuse et on rit sur les airs d'aujourd'hui. Mais la nuit à Paris, on boit et on oublie le monde d'aujourd'hui. La nuit à Paris, l'heure où les souvenirs se ramènent, juste quand le sommeil se met en grève. Le blues en profite pour s'installer. Quelques verres de vin blanc pour exciter le manque, et on se repasse le film sur un air de romance. On revoit les débuts et on connaît la fin. Bon, ça c'est mon côté pessimiste. Je préfère penser que c'est une histoire sans fin, si ça vous dérange pas trop. Oh, pour une fois. Bon, je laisse tomber le couplet sur l'amour immortel, ça ne concerne pas grand monde. Puis de toute façon, la mort d'un amour donne la vie à un autre. Y'a déjà moins de soucis à se faire. Tiens, le bar tabac de la rue Clichy, où tu t'envoies ton petit crème, je le connais par cœur. Je peux même le dessiner les yeux fermés. Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie, sur les clichés trop pâles d'une love story.

de la Birème aux plaisanciers, beaucoup d'hommes qui ne savaient pas que si tu t'offres, on te prend pas. Ma liberté, c'est Zonza, un bout de terre au fond du sud où s'évanouit ma lassitude comme un rêve qui ne revient pas. Corsica bella, Corsica, fleur de montagne posée sur l'eau, où la mer s'abreuve au ruisseau pour éclairer son bleu marine. Corsica, ma belle Corsica, si je pouvais choisir l'endroit où la mort me recouvrira de son manteau de cornaline, j'aimerais qu'elle m'endorme chez toi. L'éternité, c'est Zonza. Elle a protégé les brigands quand ils étaient bandits d'honneur, comme on l'est tous au fond du cœur. Lorsque le joug est trop pesant, ma liberté, c'est Zonza. Les tours d'en bas m'avertiront quand tout au fond de l'horizon mon dernier matin paraîtra. Oh, Corsica bella, Corsica, fleur de montagne posée sur l'eau où la mer s'abreuve au ruisseau pour éclairer son bleu marine. Corsica, ma belle Corsica, si je pouvais choisir l'endroit où la mort me recouvrira de son manteau de cornaline, j'aimerais qu'elle m'endorme chez toi. Oh, Corsica bella, Corsica. Je pouvais choisir l'endroit où la mort me recouvrira de son manteau de cornaline, alors qu'elle m'endorme chez toi. L'éternité, c'est Zonza. Voilà, d'après Sardou, voici le country, puis juste après, Régis Flachot. The prayer of the children on bended knee, in the shadow of an unknown room, empty eyes with no more tears to cry, turning heavenward toward the light, crying, Jesus, help me to see the morning light of one more day. But if I should die before I wake, I pray my soul to take. Can you feel the hearts of the children aching for home, for something of their very own, reaching hands with nothing to hold on to but hope for a better day, a better day. Crying, Jesus, help me in my own land. But if unknown roads lead away from home, give me loving arms away from harm. Ooh. voice of the children softly pleading for silence in a shattered world. Angry guns preach a gospel full of hate, blood of the innocent on their hands. Crying, Jesus, help me to feel the sun again upon my face. For when darkness clears, I know you're near, bringing peace again. Can you hear the prayer of the children? On the road again. Just can't wait to get on the road again. Is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. bitterness. I lose myself, I'm alone. I fall down, I lose my face. Leave behind me my broken heart. I don't know the head away and fall apart. I'm still here. I'm roaring louder, never giving cause, now I've found the way to growing the trust in me. I'm still ill, still ill through the night. And I know, I see my life. I'm still ill, still ill through the night. Derrière les visages, On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été on là. Dirait qu'on a tous un ange. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. On dirait différents petits bonjour à deux amies différentes. Donc la première c'est Lilise avec un déclic et puis le deuxième c'est Lily Harmony avec Amour Magique. Et puis entre les deux titres différentes chansons, il y aura simplement le titre de Serre-moi et c'est Nels qui la chante. Donc voici les deux titres différentes. c'est Lady sur Radio Arc-en-Ciel. Pourquoi est-ce que j'ai si peur dans le noir? Pourquoi est-ce que je déteste les miroirs? Pourquoi suis-je si craintif? Qu'ai-je à redouter? Je veux changer. Je veux plus me cacher, ni pour rire, ni pour pleurer. Je veux faire ce qui me plaît sans crainte d'être jugée. Je préfère être différente plutôt que transparente. Oui, je vais exister. Je vais me libérer. Les ailes vont pouvoir se tirer. Si longtemps, pourquoi m'être torturé si souvent? Pourquoi rester spectateur de ma vie sans risque et sans saveur? Je veux plus me cacher, ni pour rire, ni pour pleurer. Je veux faire ce qui me plaît sans crainte d'être jugée. Je préfère être différente plutôt que transparente. Oui, je vais exister. Je vais me libérer. Mes ailes vont pouvoir se tirer. Prétentieuse et coincée, je serai toujours trop pas assez pour les gens complexés. Puisque je ne serai jamais comme vous voulez, autant que j'assume ma propre personnalité, je vais me libérer. Toi, ce n'est pas qu'il fasse froid, mais j'ai peur de l'aurore, de cette vie qui défile. Serre-moi fort, lorsque la nuit s'en va. C'est peut-être inutile, mais serre-moi contre toi. Serre-moi dans tes bras, pas comme au cinéma. Ne fais pas semblant, je veux ton souffle chaud. Serre-moi, serre-moi tant, là au creux de mon cou. Sentir ses bouts de peau, me caresser les joues. Sente, sente, eu me amo dentro de mim. Sente, sente, eu me amo, esse chão. pense au toit, c'est ma bulle, c'est mon toit. À l'abri de la ville, loin de tous ces faux rois. Serre-moi, serre-moi fort, dis-moi que tu m'aimes encore. Entoure-moi de ce fil qui me serre contre toi. Si on dit, si on dit, il y a mon dentro, l'ami. Si on dit, si on dit, il y a mon laisse chalibre. Serre-moi contre toi, rassure ce pouls de moi. Ces jours qui s'évaporent, dis que tu m'aimes encore. Dis que tu m'aimes encore. Dis que tu m'aimes encore. Sur Radio Arc-en-Ciel. Comment m'as-tu charmé? Le mystère est entier. Ai-je bu une fabuleuse potion? Est-ce une illusion? Quel est ton secret? J'ai tout occulté en un tour de passe-passe. Mes valeurs se sont notre amour est surnaturel, notre relation irréelle. Nous vivons sur notre petit nuage. Est-ce un mirage? Amour magique, rêve féerique, enchantement ou flippement, présence magnétique, force fantastique. Ce doit être ce que l'on appelle l'alchimie. Tes bras, la vie devient merveilleuse. La musique de mon cœur prodigieuse. Tu lis en moi, je suis en ton pouvoir. Les colombes d'amour jaillissent de ton foulard. Tes mains transmettent un courant. Tu es extraordinaire et fascinant. Notre amour est surnaturel, notre relation irréelle. Nous avons créé notre propre rituel, notre danse d'amour sensuel. Notre relation irréelle, nous vivons sur notre petit nuage. Est-ce un mirage? Notre amour est surnaturel, notre relation irréelle. Nous avons créé notre propre rituel, notre danse d'amour sensuel. Elle arrive quand je ferme les yeux. Avec elle, tous les cieux deviennent bleus. Son image, sa beauté embellissent mes nuits. De soleil avec elle, j'ai envie. Thank you.

C'est Chris Adam. Retrouvez mes titres sur Radio Arc-en-Ciel.

noche copas cuando la conocí. Me dijo que quería que me pase por ahí. Y ya llegó la hora y yo estoy aquí. Dime, señorita. Donc la suite des émissions, donc à partir de 17h jusqu'à 19h, eh bien, vous allez retrouver Funky juste après, entre 19h à 21h, avec Christophe, avec Lyric Choc. Demain, nous serons déjà mercredi le matin entre 9h jusqu'à 11h, midi, vous allez retrouver l'émission de Victor avec le portail On Festa. Et puis, dans l'après-midi, à partir de 15h jusqu'à 17h avec micro ouvert, Valérie. Et puis, entre 17h et 18h, vous allez retrouver Irène avec La vie comme elle va. Suivi de l'émission Violette avec Traditionnel entre 18h jusqu'à 19h30. Suivi de 19h30, 21h, David, ça va le faire. Et puis juste après, entre 21h et minuit, avec Vim. Voilà donc un petit peu de reggae avec tout simplement, il s'appelle Paul Marizzo et c'est du reggae et puis juste après ce sera Mélissa. Yeah. enfin je vois qui j'étais. Seras-tu là dans mes prières? Seras-tu là me dire qui je suis vraiment? Tant de choses qu'on ne sait pas de nous. Seras-tu là dans mes prières? Seras-tu là me dire qui je suis vraiment? Tant de choses qu'on ne sait pas, d'où nous vient la lumière? Seul l'avenir nous le dira. Voici donc bien Juliette Palmica et puis suivi de Servicampos. Affoler les bagnoles, les yeux comme des têtes épingles. Je t'ai attendu 100 ans dans les rues en noir et blanc. Tu es venu en sifflant. Ébloui par la nuit, à coups de lumière. Si pour mes qu'un navire, si j'en ai perdu la tête, je t'aimais et même pire, tu es venu en sifflant. Ébloui par la nuit, à coups de lumière mortelle, faut-il aimer la vie ou la garder juste passer? We never wanna end. Bonjour, c'est Violette Chiara sur Radio Arc-en-Ciel. Trouve, traque, trouve, traque.

Voici donc Eddie Diaz. Ton frère pour toujours. Donc après, ce sera tout simplement Olivier Reyes. Fêter les ans, tout ici me ramène à toi. De nos faces ici, à ton chemin de croix, me donne-t-on le droit de parler de toi, le faire en chanson me rend plus léger. Refuser ces milliers de questions, presque s'obliger à ne plus penser. Ton frère pour toujours, tes mots témoins des rires de notre enfance, résonnent en moi là comme une évidence. Terrible manque d'amour. Le temps a passé sur nos cœurs meurtris. Il a effacé les larmes et les cris. Mais savoir qu'aujourd'hui tu n'es plus fait de notre histoire ce livre inconnu. J'avais tant à faire encore avec toi, des voyages en mer et des feux de joie. Que c'est dur de ne plus te parler. L'âme de l'aventure, là s'en est allée. Ton frère pour toujours. Tes mots témoins des rires de notre enfance résonnent en moi là comme une évidence, comme un terrible manque d'amour. Désormais, les alliés dans mes tas m'en fous. soit la traduction. Voici une des chansons de Cylian avec Marianne. Et puis donc, vous pouvez tout simplement la retrouver le samedi 28 septembre. Tout simplement, Cylian au spectacle à Bully. Les mines, donc l'entrée est libre tout simplement. Et puis donc je serai à présent, et puis aussi si vous voulez voir aussi Lélise, la chanteuse, et eh bien vous pourrez aussi la voir parce qu'elle est aussi avec nous. Donc voilà, ça sera tout simplement le samedi 28 septembre, ça se met tout simplement à Bully les mines. Si longtemps, pourquoi

votre plaisir. Right. C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décoration, peintures et sols, revêtements muraux, ravalement, traitement de toiture, choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Oh, mais où pourrez-vous faire de bonnes affaires? Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlena Voyage. Vous avez raison. Avec Arlena, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances ou voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlena Voyage. Bien sûr, Arlena Voyage, 116 Faubourg Vanier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Para não esquecer a Romarias, é festa já no sábado 28 de setembro, na sala de Montição, em São João Leblon, com o grupo Capa Negra e o artista Fernando Correia Marques, que vem apresentar pela primeira vez o seu novo trabalho. A entrada é gratuita com menos de 12 anos, numerosos prémios a ganhar e outras surpresas. Uma organização de Fun Melody Production. O primeiro baile, depois das férias, é na sala de Montição, em São João Leblon, com o grupo Capa Negra e o artista Fernando Correia Marques. Sábado, 28 de setembro, a sua presença é bem-vinda. De dança. Se tu procuras um par, não podes ficar a olhar, porque as mulheres não são tantas. Ganha coragem e vai, agarra quem gostas mais, mas não a deixes fugir. Aí ficas a noite inteira abraçadinho a ela, a dançar e a sorrir. Agarra, agarra que é bom e vai tirar do batom, leva pra dançar contigo. E no calor da paixão, entrega-lhe o coração. Vendredi 27 septembre à 20h, le restaurant Polo et Marie organise un dîner au rythme du fado avec la présence de Teresa Carvalho et ses guitaristes. Dans un cadre chaleureux et convivial, le restaurant Polo et Marie vous propose au menu de cette soirée assiette de charcuterie, émincée de bœuf assaisonné à l'ail et le café gourmand. Réservation au 02 38 43 30 37. Le fado est à l'honneur au restaurant Polo et Marie le vendredi 27 septembre à partir de 20h. Une soirée au rythme des guitares portugaises portée par la voix puissante de Teresa Carvalho. Restaurant Polo et Marie, 39 rue André Dessau à Fleury-les-Aubrais. Banque BCP. Dis-moi, comment t'as fait pour financer tes études? J'ai demandé à la banque BCP. Ils m'ont hyper bien accompagné. C'est vrai? Ah ouais? Non mais tu préfères emprunter de l'argent à ta banque ou tout miser sur la pétanque? T'as raison. Je vais voir sur banquebcp.fr et contacter ton conseiller. Il va sûrement pouvoir m'aider à financer mes études. Banque BCP. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Votre restaurant Patapin à Orme organise et vous invite à un after-work portugais le jeudi 26 septembre prochain. Rendez-vous à partir de 19h au restaurant Patapin, avenue du Général de Gaulle à Orme. Ambiance sous les couleurs du Portugal, animée par DJ Frankie. Morangaou à base de liqueur Berao, plancha et musique gorgée de soleil. En vos agendas, notez bien, c'est le jeudi 26 septembre à partir de 19h. Venez passer votre after-work portugais au restaurant Patapin à Orme. Ambiance garantie. Arc-en-ciel. S2, la FM en couleur. Voilà donc un retour avec les chansons, avec tout simplement Eva, suivi de Jan Paya, et puis Lisa Aura. Voici donc les titres qui suivent. Give me some of that good old love. Let me make you feel fine. 'Cause loving you just blows my mind. Coupé, coupé, toi qui m'encoure. Je laisserai personne s'entraver sur ma route, se mettre entre toi et moi. Pour toi j'irai jusqu'au bout de l'Himalaya. Coûte que coûte, et toi qui m'encours. Je laisserai personne s'entraver sur ma route. Je déploierai mes ailes. Pour toi j'irai te décrocher le ciel. Sur ces accords, je veux encore, encore sentir battre ton corps au rythme des tambours d'Afrique, qui sans cesse suscite des sexes, m'excite sur cette musique. Corps à corps, sur ces accords, je veux t'enflammer, ressentir la chaleur de ton corps au rythme mélodique, qui sans cesse suscite des sexes, m'excite sur cette musique. Proche-toi de moi, fais-moi frémir de tes mains jusqu'au creux de mes reins. Approche-toi de moi, fais-moi rugir, bondir de plaisir jusqu'au creux de mes seins. Corps à corps, sur ces accords, je veux t'enflammer, sentir la chaleur de ton corps au rythme mélodique, qui sans cesse suscite du sexe, mixé sur cette musique. Goûte, goûte, et toi qui m'encoure. Je laisserai personne s'entraver sur ma route, se mettre entre toi et moi. Pour toi j'irai jusqu'au bout de l'Himalaya. Coûte que coûte, et toi qui m'encoure. Je laisserai personne s'entraver sur ma route. Je déploierai mes ailes. Pour toi j'irai te décrocher le ciel. L'odeur de ton odeur ne cesse de m'envahir l'esprit. C'est si bon, je n'en peux plus. Je suis à l'agonie. Oh, à l'agonie. Coûte que coûte, et toi qui m'encours. Je laisserai personne s'entraver sur ma route, se mettre entre toi et moi. Pour toi j'irai jusqu'au bout de l'Himalaya. Coûte que coûte, et toi qui m'encours. Je laisserai personne s'entraver sur ma route. Je déploierai mes ailes. Pour toi j'irai te décrocher le ciel. De domination à soumission, nous nous mélangeons avec exaltation. Nous sommes en osmose, en harmonie. L'apothéose, l'orgasme qui grandit. J'inspire, j'expire. Oh je n'en peux plus, j'assouvis mon appétit. Corps à corps, sous cette musique, corps à corps, c'est dans ces accords. Je veux t'enflammer, ressentir la chaleur de ton corps. Au rythme mélodique, qui sans cesse suscite le sexe multiple sous cette musique. Coûte que coûte, et toi qui m'encoûte. Je laisserai personne s'entraver sur ma route, se mettre entre toi et moi. Pour toi j'irai jusqu'au bout de l'Himalaya. Coûte que coûte, et toi qui m'encoûte. Les personnes sont travées sur ma route. Je déploierai mes ailes. Pour toi j'irai te le souvenir dévasté sur notre ancienne planète. On emportera nos remords de ce temps où l'on savait si on te aller vite, j'accours sans réfléchir pour ton dernier soupir. Je te serre dans mes bras, tu n'es déjà plus là. Cette fois tout est fini, ton corps sans vie. Pas toi, non pas toi, ne m'abandonne pas. Pas toi, non pas toi, comment vivre sans toi? Pas toi, non pas toi, je n'y crois toujours pas. Pas toi, non pas toi, je n'y arriverai pas. Pas toi, non pas toi, papa. Après Sandrine Fleur, juste après on écoutera Magali Coimard et c'est du piano. Cocktail, cricket sur gazon. On trouve Hugues dans les halls d'hôtel, assis au creux des salons. Il porte le sportwear tennis, le smoking à la perfection. Il a une certaine idée du standing, l'expérience de la conversation. Gigolo, tête à claque ou danseur de salon. Non, non, faut pas mettre Hugues dans le même sac. C'est un si charmant garçon, dandy. Vous avez dit smart, c'est juste un nostalgique avec une pointe d'émotion du temps de Gatsby le magnifique. Comme ça, juste une intention, le temps que fond un glaçon. Décapotable berline, week-end à Monaco. Panier de crabe, sale combine, fric-frac à Monte Carlo. Il vous ouvre son cœur pour y penser vos bobos et cacher vos malheurs avec le mot qu'il faut, quand il faut. Gigolo, tête à claque ou danseur de salon. Non, non, faut pas mettre Hugues dans le même sac. C'est un si charmant garçon, dandy. Vous avez dit smart, c'est juste un nostalgique avec une pointe d'émotion du temps de Gatsby le magnifique. Comme ça, juste une intention, le temps fond d'un glaçon. Il bois du thé vert au pied d'une jeune et belle héritière. Prends un doigt de madère en passant chez une riche douairière. Joue au gin, au poker avec des hommes, hommes d'affaires. Toute une vie à ne rien faire de sa vie, c'est toujours ce qu'il a aimé faire. Gigolo, tête à claque ou danseur de salon. Non, non, faut pas mettre Hugues dans le même sac. C'est un si charmant garçon, dandy. Vous avez dit smart, c'est juste un nostalgique avec une pointe d'émotion du temps de Gatsby le magnifique. Comme ça, juste une intention, le temps que font d'un glaçon. Voici donc Isa, Isa Privé, avec tout simplement s'appelle Donne-moi le temps, et puis suivi de Céline Dion. Donne-moi du temps pour entendre, donne-moi du temps pour apprendre, donne-moi ce temps de vie pour comprendre. Prendre le temps d'exister, prendre le temps de vibrer, prendre ce temps de vie pour aimer. Et si je pouvais des hommes sans souffrance, de voir des hommes se comprendre, de voir des hommes respecter ce monde. Et si nos vies étaient simples à vivre, comme un enfant qui court en riant. Et si je pouvais venir dans ton monde et contempler. Donne-moi le temps, donne-lui du temps.

Je suis du ciel et de la terre. S'envole ma vie, s'éloigne la pluie, c'était la nuit. Un ciel brûlant de lumière comme une aurore boréale. Sur un souffle printanier, il s'enlace tendrement. Et les cheveux emmêlés virevoltent dans le vent. C'est une histoire, tout simplement, l'aurore d'un amour naissant. Ils ont oublié leurs tourments et s'échangent leurs sentiments. C'est une histoire d'amis à mort qui marchent dans le soleil couchant. Sur cette plage de sable blanc, ils se sont trouvés. Oh, c'est une histoire, tout simplement, l'horreur d'un amour naissant. Ils ont oublié leurs tourments et s'échangent leurs. Voici donc bien Chris Adams et puis un coucou à Alison. À un détail près, tu as fermé la porte, tu viens de me quitter, je te laisse partir, puisque tu l'as décidé ainsi. Je ne vais pas te mentir, que ma vie s'arrête ici. Voudras-tu si besoin te confier en copain? En fera semblant d'être les meilleurs amis, même si je dois souffrir. J'en aurai du temps à me dire des si, mais j'ai nos souvenirs. Alors, tout n'est pas terminé encore. Laisse-moi le temps, oh, oh, le temps. Oublier tous nos sentiments, cette complicité d'âme sœur. J'aurais tout simplement touché le bonheur. Tu es comme un oiseau, survole l'amour. Alors, je vois bien qu'il faut que je reste en arrière-cour. Voudras-tu si besoin confier aux copains. On fera semblant d'être les meilleurs amis, même si je dois souffrir. J'en aurai du temps à me dire des si, mais j'ai nos souvenirs. Alors, tout n'est pas terminé encore. Laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps. Fera semblant. Oh, oh. Fera semblant. Fera semblant. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. T'es mon ami, t'es pas mon maître. Je te demande juste de m'écouter. Ce soir j'ai ouvert les fenêtres pour que le vent puisse y entrer. J'avais si soif depuis longtemps et la pluie tombe maintenant. Il en a fallu quelques bières pour te parler de mes misères. Je fais le pilier de comptoir et je vomis toutes mes histoires. Si tu te barres et que t'en as marre, je ne rentrerai pas ce soir. D'accord, d'accord, d'accord, il se fait tard. D'accord, d'accord, j'ai pas fini de boire. D'accord, d'accord, ce soir c'est jour de fête. D'accord, d'accord. D'accord, j'en suis pas fier. D'accord, d'accord, garçon, un dernier verre. D'accord, d'accord, ne me fais pas de discours. D'accord, d'accord. Demain, c'est un autre jour. Tu es celui que je déçois parmi les gens que je côtoie. La victime que j'ai choisie, qui sait de moi toute ma vie. Tu pleures mes larmes parce que tu m'aimes, alors tu souffres mes problèmes. T'es mon ami, je te demande tout, puis je t'entraîne dans mon trou. T'es mon ami, t'es pas mon maître, je te demande juste de rester. Puis je fermerai les fenêtres sur toutes mes tristes idées. il se fait tard. D'accord, d'accord, j'ai pas fini de boire. D'accord, d'accord, ce soir c'est jour de fête. D'accord, d'accord, d'accord, d'accord, d'accord, j'en suis pas fier. D'accord, d'accord, garçon, un dernier verre. D'accord, d'accord, ne me fais pas le discours. D'accord, d'accord, demain est un autre jour. Ne me ramène pas chez moi. Mon amour pourrait s'inquiéter. Patron, ne ferme pas le bar. Buvons encore à ma santé. Juste à l'instant, j'ai pu entendre Claude Barzotti, puis voici Mirella. Avec Lily, donc c'est sur cette chanson qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver prochainement, donc et juste après, ça sera Roxane et puis d'autres morceaux différentes. Voilà, et donc n'oubliez pas, à partir de 19h jusqu'à 21h, vous allez retrouver l'émission de Christophe, et puis demain matin à partir de 9h jusqu'à midi avec Victor. Voilà, donc et bien, je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Toi, ma reine, j'affronterai vents et marées pour retrouver mon soleil. J'ai envie d'y croire, mon seul souhait de revoir. Descendu du ciel, venu pour t'aimer. Avec toi, je me vois grandir. L'homme sur qui tu pourras compter. Ah, je ferai tout pour te séduire. Plusieurs années sont passées, mes sentiments ont changé. Besoin d'être à tes côtés et ne plus jamais t'oublier. Plusieurs années sont passées, depuis nos années lissées. Notre destin est lié, notre histoire ne s'est jamais appelée. Être auprès de toi, je m'y vois déjà. Pardon pour toutes ces fois où je n'étais pas là. Oh Lily, pardon, je ferai tout, oh, pour reconstruire notre avenir. Rien ne mettre à genoux. Oh, oh, oh, oh, je ne veux que plusieurs années sont passées. Mes sentiments ont changé. Besoin d'être à tes côtés et ne plus jamais t'oublier. Plusieurs années sont passées.